je veux dans le fond, mais comprends que j'ai des projets. J'sais plus comment m'y prendre. Y'a des putes qui me tournent autour et j't'avoue, des fois, bah j'y pense. En face de moi, y'a la foule, juste à décoller des penses. J'suis arrivé à un stade où j'pourrais faire vibrer la France. Certains potes au monde, j'y fonce. Relève la tête et avance. Le silence sera ma réponse. Et tu gagneras ma confiance. Et parano, je gagne 2 millions par année. Toi je me jette à l'eau, on vit dans un monde parallèle. T'es paralobe, la pression d'être condamné. J'entre tard, je sens que quand la lune se lève. Je me dis faut que j'arrête, je veux bien tarer pour une mallette. Le succès apparaît, je te parie que je l'ai pas vu naître. C'est quoi les tarifs, on prend tout et on disparaît. Arca ceci, arca cela, arca ce qui paraît. Elle me répète d'arrêter. Tous les soirs elle me prend la tête. Elle me rend pas fou, on se voit après. Et j'ai très bien que l'amour embête. Elle me répète d'arrêter. Tous les soirs elle me prend la tête. Elle me rend pas fou, on se voit après. Et j'ai très bien que l'amour embête. 16 piges, je me voyais taper dans un ballon. 16 piges, je me voyais déférer au barreau. Je serai jamais bien loin de mes parents. Pour eux, je donne tout, je donnerai tout pour que tout s'arrange. T'es en ligne de mire, tu fais tout pour que ça empire. On s'était promis la lune, au final, plus rien à se tirer. Je vais m'en tirer, je sais que tu vas me ralentir. Laisse-moi partir tout seul, je vais tirer l'empire. Je zone, je traîne, prends pas la tête, j'ai des problèmes, on parle après. J'ai des ennemis derrière le dos qui pourront sûrement pas me rater. Hey, l'autre il me parle d'affaires, laisse-moi solo, je vais me balader. Hey, je repars à la guerre et je vois mon état se dégrader. Wesh, relève la tête et avance. Le silence sera ma réponse. Et tu gagneras ma confiance. Elle me répète d'arrêter. Tous les soirs elle me prend la tête. Elle me rend pas fou, on se voit après. Et j'ai très bien que l'amour embête. Elle me répète d'arrêter. Tous les soirs elle me prend la tête. Elle me rend pas fou, on se voit après. Et j'ai très bien que l'amour embête.